بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تم دمجن أم أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع أثارهم واكتفى. Ils sont 15 dans le prix la dernière, ça. On a fait des exercices à l'oral. Il y en a le cours de la semaine dernière, plutôt. La 116, là, c'était quoi? Le damir, l'il-mukhatab, l'il-mukhatabat. Lorsque tu portes un discours à des femmes, comment tu dois t'exprimer? Donc on avait dit, lorsque tu veux t'exprimer à une femme, tu as une manière de t'exprimer, quand tu veux t'exprimer à des femmes. Que ce soit avec des noms, des mots, ou bien avec des verbes. Un des masalans, si tu veux. Exprimer dans une phrase nominale, tu veux leur dire êtes-vous des muslimates maintenant? Tu vas dire quoi? Antun muslimatun, antun muslimat. Donc tu vas utiliser pour cela un damir munfasil, qui est antun. Si jamais tu vas porter une possession, je vais demander maintenant si jamais la massaha ça eux, tu vas dire maintenant hadhihi massahatukun, hadhihi massahatukun. Kun c'est le pronom qui est approprié lorsque tu parles à des femmes et tu veux exprimer une possession. Avec un damir qui va être approché, comme c'est le cas là, kun. Et lorsqu'avec c'est un verbe, tu vas dire, مثلاً, الذهبتون, الذهبتون إلى المستشفى, الذهبتون إلى المدرسة, الذهبتون إلى المسجد. Tu vas utiliser tun lorsque tu parles à des femmes. Donc là, on va continuer vite fait l'exercice numéro 6, ana wa nahnu. Il faut que tu mettes soit ana, soit nahnu. Là, c'est quoi le mutakallim? Le mutakallim, c'est lui qui parle. C'est-à-dire que là, il faut que tu regardes en fonction du khabar. Comme on a dit, le khabar avec le mutada, il s'accorde en genre et en nom. Donc là, muslim, tu diras quoi? Tu veux dire, je suis muslim. Ana muslim. Ana muslim. Deuxième, avec... En parlant de nous. Tu diras, nahnu muslimuna. Pourquoi? Que muslimun est au pluriel. Tu ne peux pas dire ana muslimuna. Muslima. Ana muslima. Pour les femmes, muslimat. Nahnu muslimat. Donc il n'y a pas de différence. Masculin, féminin, avec le locuteur. Que ce soit au pluriel ou soit au singulier. Nahnu, je veux dire pour des femmes et des hommes. On va dire, il y a. Voilà, la même chose. S'il y a trois femmes, tu diras nahnu. Si trois femmes, elles parlent. Nahnu muslimat. S'il y a un homme et deux femmes, kazalika. Il prend le jus sur la femme. Un homme et 20 000 femmes, tu ne veux pas dire maintenant antun, parce que ça fera un tahkir sur lui. Tu diras antun muslimat. Il y a un frère dedans. Non, il y a juste. Et là, benat al-mudiyat. Tu diras comment? Nahnu benat al-mudir. Ibn al-mudarris. Ana ibn al-mudarris. Si jamais tu dis la liaison, tu diras Ana Benou. Ana Benou. Vas-y. Pardon. Nahnu Tullab. Naam. Ana Marid. Hein? Ana Marid. Là. Regarde bien. Ana Marid. Marid. Marid. Marid. Comme tu as dit, Anna Muslima, toi. Allah yashfik. Allah yashfik. Astaghfar Allah. Tu as dit, Anna Mariada. Anna Mariada, tu as dit. Anna Mariada. C'est une femme. C'est une femme. Ah. Pourquoi je vais conjuguer pour moi? Non, pour. Tu t'es mis dans le. Dans le corps d'une femme. Il dit Iqra wa ktub. Bon, on va pas ktub, lakin Iqra. Tam, vas-y. Dis le premier. Zahaba Abi ila al-Qahira qabla usbu'ain. Ila al-Qahira, c'est quoi al-Qahira? Le Caire. Le Caire. Mon père est parti au Caire il y a une semaine. Pourquoi? Au Caire. Le Caire, la capitale d'Égypte. Comment il nous a le Caire? Al-Qahira. Al-Qahira, c'est la capitale de l'Égypte. Tu dis en arabe al-Qahira. Vas-y. Après. Mata. Mata. Kharajtu min. Min al-Fasl. Non, c'est possible. C'est possible. Yeah, ça peut être ça. Quand est-ce que toi, t'es parti? Il a oublié. Il a oublié. Mata kharajtu min al-Fasl, ya Muhammad. Ça peut être possible comme. Non, les deux sont. Tu peux pas dire non. On peut pas dire. On peut dire oui comme non. Lakin comme wallah alam, ce qui était voulu wallah alam, c'était kharajta comme ça. Al-Zahir. Al-Zahir, c'est ça, c'est kharajta. Lakin kharajta, c'est pas faux. Mata kharajtu min al-fasli ya Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Lima. Ewa, ba'dem. Donc ya Muhammad, vas-y après, à la suite. خرجت بعد الدرس بعد الدرس لا c'est pas possible خرجت بعد الدرس لا c'est خرجت parce que c'est Mohamed qui est très bon c'est pour ça qu'on بعد الدرس لكن الانفيرس aussi c'est bien متى خرجت من الفصل يا محمد il va dire خرجت بعد الدرس خرجت بعد الدرس tu es sorti après le cours il a oublié ça c'est si la question était posée à la tarot. Là, je lui parle à lui. Je dis, Mata kharajtu min al-dars? Mata kharajtu min al-fasl? Ya Farid? Tu peux. Lakin wallah alam, ce qui est voulu, c'est moi je te pose la question. Mata kharajtu min al-dars? Min al-fasl? Wallah alam. Non, tu peux répondre. À partir qu'il y a, du moment qu'il y a une probabilité, et que les deux, tu vois, c'est à 50%, tu peux pas dire que celle-là, on l'a fait passer à celle-là. Ouais, c'est ça. Vas-y. Dhahabtu ila al-masjid qabla al-adhan. T'as même pu dire là? Dhahabti ila al-masjid qabla al-adhan. Ou kadhalika, t'aurais pu dire dhahabta. Tu peux dire les trois là. Ou dhahabat kadhalika. Parce qu'il n'y a rien qui nous montre à qui il est porté le discours. Ça peut être toi, comme ça peut être elle, comme ça peut être tu, les deux. Lui, non, tu veux pas dhahabat. Tu peux dire soit dhahabat ila al-masjid qabla al-adhan. Ou tu peux dire dhahabtu, ou tu peux dire dhahabta ou dhahabti. Dhahabat. Et dhahabat aussi tu peux le dire. Vas-y, bardak. Mata dhahaba ammuki ila. Ila al-Riyad. Ila al-Riyad. C'est quoi al-Riyad? C'est la capitale. De. De Saudi. Vas-y. Ila al-Riyad. Ya aminat. Ya a. Ya aminatou. Et ouais, pourquoi tu ne peux pas dire aminatoun? Parce que c'est fou. Mais pourquoi? T'as mon cas de ça à dire. Elle dit. S'il n'y aura pas de lien, on aura dit. Aminatoun. T'es sûr? Le féminin, les noms propres masculins, le féminin, il ne prend pas de tamine. Allez. Zahaba qabla al-shahr. Qabla. Qabla al-shahr. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la phrase? Tu peux la traduire entièrement? Mata. Quand est parti ton oncle à Riyad Yamina? Ou Amina? Ouais. Quand est-ce que ton oncle est parti? À Riyad. Il y a Amina. Il est sorti il y a un mois. Vas-y. Quoi? Il est parti. Aqabla salati dhahabta ila al-mat'am? La, dhahabtu ba'da salat. T'as rien que ça veut dire? T'as pas dit dhahabtu. Il a dit Est-ce que tu es. Es-tu parti avant salat au restaurant? Est-ce avant la prière? Que tu es parti? Ouais. Est-ce avant la prière? Est-ce avant la prière? Que tu es parti au restaurant? Non, je suis parti après la prière. Donc ça c'était simple. Là, il te fait un petit récapitulatif là avec un tableau. Vous avez le tableau là? 95-96, ouais. Aina dhahabta ya akhi. Aina dhahabtum ya ikhwan. Là c'est le pluriel. Aina dhahabti ya akhi. Aina dhahabtum ya akhawati. Ana dhahabtu, nahnu dhahabna. En fait, il t'a fait un récapitulatif avec quoi? Le khitab, au pluriel et au masculin. Au pluriel et au singulier. Il manque le duel. Après le kalimat al-jadida, le nouveau vocabulaire. Qabla, avant. Bardas, c'est son opposé. Et ça, c'est bien. Lorsque tu as un mot et son opposé, tu le mets à côté. Tu mets Qabla, avec le signe là, quand même opposé. Et ensuite, tu connais le mot à l'opposé. Ça, c'est bien. Maintenant, tu dois mettre un petit calepin, tac, tac. Tu mets Qabla. Il te suffit de savoir c'est quoi Qabla, avant. Et tu mets le signe là, pour dire que c'est son opposé, Bard. Tu as Kaifa. Kaifa. كيف؟ كما متى؟ كم؟ الأسبوع لسمن أسبوع أسبوع أسبوع الأسبوع سيجيك أسبوع لسمن أسبوع لسمن الأسبوع زي لسمن الشهر لموا الأذان لا فلا بخير الأذان الصلاة Raja'a, revenir, tamam. C'est le contraire de quoi? De Zahaba. Zahaba, Raja'a. Raja'a, c'est le contraire de venir. Zahaba, Raja'a. Al-Ikhtibar, c'est l'examen. Contrôle, tamam. Tout ce qui est dans le sens. Qui va venir bientôt. Dars, Durusun. Un Dars, c'est un cours. Durusun, c'est des cours. Donc, Ihdahun, Ihdah, c'est pour l'une parmi les. Le groupe de femmes. Ihdahun. Et le hun, il revient à la chose qui a été évoquée avant. Donc là, c'est fatayat. C'est comme si j'avais dit Ihdal fatayat. Le fait qu'il a été prononcé, il a été dit, évoqué, ça n'a rien à ramener encore. Ihdal fatayat. Ihdahun. Wal hun, yarri'alash fatayat. Ça revient à fatayat. Ihdahun, ay, l'une des adolescentes. Donc le fait que tu dis Ihda. Et tu dis pour un, c'est comment Ahadun. Ahadun, Ihda. Tu peux dire aussi Kadelka, Wahedun, Valkin, Wahed, c'est une autre chose. Wahed, c'est pour dire une personne. Après, il nous a fait un petit récapitulatif de la conjugaison. Non, pas de la conjugaison, mais Lakin, des damer, le mot fasila. Des pronoms qui sont détachés. Pour le singulier et pour le djem. Et t'as mis l'il mufrad et t'as mis une liste. L'il djem, une liste. Pour le mufrad, al-ra'ib. Celui qui n'est pas présent ou celui qui est présent, mais à qui on parle en sa personne. Tu diras huwa. Huwa talibun. Maintenant, quelqu'un te dit, ma huwa, c'est quoi sa fonction? Tu diras, hada huwa talibun. Tu as parlé en son nom. S'il n'est pas là, huwa talib. Hiya, la même chose. Ra'iba, pour celle qui n'est pas présente. Hiya, talibatun. Anta, talib, tu es. Anti, taliba. Allez, plutôt tu es, Yanni, pour une femme. Ana talib, et ana talib, pourquoi la répéter deux fois? Pour le féminin et. Le masculin. Le féminin, le masculin. Ana talib, un homme. Ana talibatun, une femme. Hum tullab, pluriel, lil ra'ibin. Ceux qui ne sont pas présents. Hum tullab. Hunna talibat, lil ra'ibat, celles qui ne sont pas présentes. Antum tullab. Pourquoi? Al mukhatabin. Lil mukhatabin. Tamam. Antunna talibat, katharika, lil mukhatabat. Nahnu tullab. Wa nahnu talibat. Pour le locuteur, mutakallim, al-mutakallimin ou al-mutakallimat. Ça, c'était la leçon numéro 15. Elle était simple, la baisse, c'est pas très bien. On va faire la 16. On va l'air d'être courte. Qala ad-dars as-sadisu as-sadis ajar. Al-mudarris. Qala liman hadihi al-aqlamu ya Muhammadu. Le but de la leçon là, c'est de voir, après qu'on ait vu, al-jam'a, lil-ulama. Ou les al-alimin, de ceux qui sont qu'on peut qualifier de science, on va voir qu'à cas le jam'a, pour ceux qui sont des objets, les choses qui sont pas, qui sont pas de raison. On avait dit tous les jam'a qui sont pas alim, qui sont pas les al-alim, tous les objets, quand tu vas lui rapporter une chose, tu vas faire comme s'il était quoi? Féminin, singulier. Lorsque maintenant il dit là, liman hadhihi al-aqlam. Aqlam, c'est le jam' de quoi? De qalam. Donc c'est un jam'. Et là on a utilisé quoi? Hadhihi. Il n'a pas dit liman haula al-aqlam. Il n'a pas utilisé haula. Pourquoi? Parce que aqlam, c'est un jam' ghair aqil, qui n'est pas doué de raison. Et tout ce qui est jam' qui n'est pas doué de raison, lorsque les choses qui vont s'accorder, que ce soit un khabar, que ce soit un na'at, que ce soit le mubtada, si j'aime lui, c'est un khabar, tout ce qui va se rapporter à lui, que ce soit ismul mawsoul, alladhi, allati, tout ça, tout ce qui va se rapporter à lui, c'est fait comme si jamais il était quoi? Féminin singulier. C'est-à-dire que tout ce qui va s'accorder avec lui, tu vas le mettre au féminin singulier, comme c'est le cas ici. Liman, hadihi, ala qalam. Liman, et c'est quoi un qalam? C'est quoi son nom arabe dans la phrase? Celui qui sait. لمن هذه الأقلام يا محمد. Je peux dire لمن هذه يا محمد. Je peux dire ou pas لمن هذه يا محمد. On peut, mais là, nous, dans un texte. Là, c'est la même chose. Là, si. Là, il faut que tu te mettes dans le contexte du texte. C'est-à-dire que là, il est en train de lui démontrer une chose. Parce qu'il est utilisé, il se mouche. Donc, c'est une chose qu'il voit, qui est concrète devant lui. Ce n'est pas une chose abstraite. لمن هذه يا محمد. Je peux le dire ou pas? Donc, c'est quoi? Tu peux dire الأقلام لفلان. لفريد مثلا و tu peux dire كذلك هذه لفريد صح. Donc aqlam c'est quoi? On voit que c'est un suppléant. Est-ce que tu peux le mettre comme tu peux l'évoquer comme tu peux pas l'évoquer? C'est pas un art. Tu aurais pu dire الاقلام لفريد. Ça se dit? Oui, ça se dit. Ça veut dire que là je l'ai remplacé par quoi? هذه c'est un بدل. C'est un بدل. Là tu peux بدل, c'est simple. Celui qui est avant, s'il peut prendre sa place, c'est qu'il l'a remplacé. Oui. C'est un remplaçant. C'est un suppléant. Remplaçant. Tu peux l'enlever, dès que tu sens que tu peux l'enlever. Tu vois, tu as vu que tu peux l'enlever. Regarde maintenant ce que tu peux le faire permuter avec l'autre. Si jamais il peut prendre la place de l'autre, alas. Bedel. Bedel. Remplaçant. Il est venu, il a remplacé l'autre sur la touche. L'imen hadhihi al-aqlam, aqlam, bedel. Et ça rajoute. Ça rajoute, comment ça s'appelle, un tawdih. Ça expose mieux la chose. Ça explique mieux. Qala hiya li ya ustad. Elle m'appartient. T'as vu, il a dit hiya. Il n'a pas dit naham ha ou plutôt hadihi ha ou la. Il n'a pas dit ha ou la. Là, il n'a pas dit hun, je veux dire. Afwan. Il n'a pas dit hun pour dire le stylo. T'as comme ça en français. Le français, ils ne font pas de différence. Féminin, féminin, le pluriel, tu vas répondre au pluriel. Elle m'appartient. Avec un S, toi. Tom. Et Huna, hiya. Li, il a dit hiya. Il n'a pas dit Hunna li, ya Muhammad, ya Ustaz. Il n'a pas dit Hunna li. Il a dit hiya. Pourquoi? Parce que l'aqlam, c'est un jam'a. Ghera aqil, qui pas deux de raison. Tom. Al-Mudarris, hiya jamilatun jiddan, ya. Comme il a répondu, comme il l'a qualifié, jamila. Il n'a pas dit hiya jamilat. Pourquoi? Parce que il n'a pas de raison quand même. قال البعضاجا وهذه الكتب الجديدة. Il n'a pas dit هذه الكتب الجدود. Parce que le pluriel de jadid c'est judud. Il n'a pas dit هذه parce que le kitab c'est masculin. Al kitab. هذا al kitab. ذلك الكتاب. Il a dit ذلك الكتاب. Il n'a pas dit تلك الكتاب. Donc ça nous prouve qu'il est masculin à la base. ذلك الكتاب. Donc il est masculin. Au pluriel كذلك sera un pluriel masculin. Lakin il a employé quoi? Du féminin. Du féminin. هذه الكتب جميلة. Pourquoi il a fait ça? Non, جديدة. جديدة. Pourquoi? Parce que كتب, c'est pas quelque chose qui est doué de raison. Ou on a dit au pluriel. Le pluriel qui n'est pas doué de raison, tu fais comme si jamais il était quoi? Féminin. Féminin, c'est gris. Ah ouais, c'est vrai. هذه الكتب الجديدة. أهي لك. شوف هذه جميلة. أهي. Il a pas dit نعم هؤلاء الكتب الجدود. أهن لك لا هي لحامد أبس أبسين أحمد هذه الكتب الجديدة قال أين دفاتركم يا إخوان دفاتر شو اللي بقوله الدفتر كيه تمام où sont vos cahiers يا إخوان علي هي هنا على هذا المكتب هي هنا على هذا المكتب elles sont sur le bureau. Le texte il est court. En lui-même, il est court. Donc, comme on a dit, la leçon déjà, avant de commencer l'exercice, la leçon, elle tourne autour de quoi ? Al-jam'a. C'est quoi la qa'ida de la leçon, là ? C'est que le jam'a. Ça va ? Ghaira aqil ? Non. Donc là, la leçon, c'est ça. Je dis al-jam'a. Al-jam'u ghaira aqil wa in kana lafdhuhu jam'an ma'nahu mufradun mu'annathun. Donc, yani, al-jam'a. Tamam ? Qui est utilisé pour ce qui n'est pas doué de raison. Yani, les objets. Même si jamais elle est leur terme, c'est-à-dire à l'oral, lorsque tu vas le prononcer, ça va être un jam'a. Même si jamais son terme, c'est un jam'a. Lakin, ma'nahu, son sens, ça sera quoi ? Féminin, ou plutôt singulier, féminin. Son sens ? Ouais, le sens, c'est ça. Parce que pourquoi ? Si jamais ça aurait été une autre chose, on n'aurait pas dit hadi. Parce que le sens de ce mot-là, même si jamais il est pluriel, lorsqu'il est pas doué de raison, c'est comme si jamais il était féminin singulier. La preuve, c'est que lorsque tu l'accordes, tu l'accordes avec quoi ? Avec le féminin. Elle est masculine. Mais son même au pluriel, il est masculin, non ? Je veux dire dans. Ouais, le pluriel. Al-Kutub. Tu diras Al-Kutub. Lakin, à l'oral, lorsque tu le prononces, son sens aussi kazalikan, lakin, lorsque tu vas l'accorder, c'est comme si jamais il était quoi ? Féminin, parce que féminin singulier. Et ça, tu verras dans tous les jam, tu vois. Si tu veux, tu peux rentrer du féminin. Tilka ar-rusul. Tamam? Tilka alladhi Allah azza wa jalla. Tilka ar-rusul. Rusul c'est quoi ? Il y a pas de femme. Rusul, il y a pas de femme. Il est jama'. Parce que tout jama', tu peux le rentrer dedans quoi ? Un singulier. Putain, féminin. Bil ma'na. Ouais. Non mais parce qu'en fait, il y a un sous-entendu. C'est quoi ? Tilka jama'atu ar-rusul. Ah ouais. Le groupe. Ah ouais, d'accord. Jama'atu, en fait, il est accordé avec quoi ? Jama'a. Et maintenant, Allah dit quoi ? Qala niswatun fil madina. Qala niswatun. Il n'a pas dit qalat. Qala niswatun. Niswa, femme. Il a dit qala. Là, c'est pareil. Un groupe. Qala jam'un minan niswa. C'est pour ça que c'est connaître en arabe. C'est pour ça que le truc, c'est quoi ? Il y a un sens là qui est voulu, tu vois. C'est-à-dire que toi, si jamais tu vois maintenant, qala niswatun, tu vois, et tu vois que c'est des féminins, et là, c'est masculin, c'est qu'il y a un sous-entendu. Surtout sur Métude 3, à part sur Métude 3 maintenant, parce que comme on a vu dans le Kitab d'Allah, Azawajal, le Kitab d'Allah, il est infaillible, il n'a pas de défaut, tu vois. Donc il y a ce objet qui est un sous-entendu. Amma, une personne qui est possible, il peut faire des khata, tu vois. S'il a dit Qala Niswa, ou il a dit Tilka Rusul, si jamais il ne sait pas ce qu'il dit, tu dis pourquoi tu as dit Tilka Rusul ? Il dit, oh, je dis comme ça, ça c'est un khata, c'est un lahal. Il peut le dire. Mais si jamais il ne le dit pas avec science, c'est une khata. Abu Bilal, il nous dit maintenant dans la langue arabe. Dans la langue arabe, tu peux dire, tu peux prononcer des choses, il y en a d'une manière, tu vois. Et il dit, c'est mieux de ne pas le prononcer parce que les gens ne connaissent pas cette langue-là, tu vois. Il dit, mais si jamais tu le dis avec science, on ne pourra pas dire que c'est une faute. Parce que c'est une langue. Tu sauras t'expliquer derrière. Ah, mais si jamais tu le dis bil jahl, ils vont dire, bah, ça c'est une khata, c'est un lahna. Vas-y, on continue. 11h30, on ne continue pas. مع تحية دماج.fr.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابي.